Bien que Kazakhstan, nation très glorieuse, il avait problème aussi, économique, social et juif. Oh là là! Oh, oh, oh. Oh là là! Consentement pas nécessaire. Homosexual. Et moi et mon pote Azamat, on a laissé la caisse dehors. Et on cherche une piole à squatter cette nuit avec mon ref. Alors bang bang, skut skut naga, on est que de McLean. J'ai eu un sexy time avec ma belle-mère. Je trouve que l'écart sur le plan culturel est vaste. Et à mon sens, il ne faudrait pas nécessairement beaucoup de temps pour parvenir à l'américaniser. This one dance, je mange tes rôles. This one dance, t'es un tout nez de ma mère. This one dance, j'aime ça. This one dance, j'ai copé. This one dance, je mange tes rôles. This one dance, t'es un tout nez de ma mère. This one dance, j'aime ça. This one dance, regarde. Voici le magnétoscope cassette. Kazakhstan est la plus grande nation dans le monde. Les autres nations sont menées par des chochottes. Kazakhstan est le premier exportateur de potassium. Tous les autres îles centrales sont inférieures en potassium. Sa vagine devant mon frère Bilo. Et elle a dit, a-t-il le rapace, a-t-il le rapace, la la la la la. Et lui, derrière sa cage, sanglé, sanglé, et tout le monde rigole, tout le rapace, elle dit. Mais une fois, il le fait, il pète la cage, et il l'a eu. Et alors, tout le monde, il éclate de rire. Check mon frère. Elle a fait fromage avec un bon lait de son sein.